croyance pas sans gaspiller. T'en as qui pas qu'à même garder derrière. Malgré ça, ah, si y a toujours plein de c'est pour moi. On savait qu'il y a un pas ma part en friandise. Ou en nom, à part les biscuits, puis fait songer. À son jour, il est trop tard. En j'avouais, c'est assis en vieux branche qu'il y a un cisé. Mais qu'il attend, il casse pour tomber plus bas. Pour qui ça, qui j'emporte à l'amour. Rien qui vous, qui peut taper code là pour moi entrer en chapelle à l'amour à Tchéa. Mais nous qu'est vivadé, qu'on s'en qu'est bé.